sociologie du travail. Section introductive. Séance du 22 février 1978. Cours numéro 2. J'ai une question qui sera ma question rituelle au début de chaque séance de travail. Si vous avez des questions à poser sur ce qui a été dit, échangé entre nous ou écouté par vous la quinzaine passée, il s'est déjà passé 15 jours à cause des vacances indues de février que votre faculté prend, hein, et que nous ne prenons pas, nous, dans la même université. Mais c'est très bien, je vous félicite. Après ces 15 jours, vous avez peut-être des questions à poser. Si vous avez des questions à poser, vous le dites et nous embrayons d'abord là-dessus. Si vous n'avez pas de questions, c'est moi qui vais parler. Avec la règle du jeu que nous avons tenté d'établir la fois dernière et qui, ma foi, a fonctionné puisque j'ai eu l'occasion d'écouter nos échanges de vues. La fois dernière, vous êtes intervenu à maintes reprises, tel ou tel d'entre vous, et je crois que ces interventions ont été bienvenues. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. Simplement, ce que je vais demander à ceux qui auront l'intention ou l'occasion d'intervenir, de parler fort. Parce que moi je suis proche de ce petit microphone et les autres sont plus loin. Or, en règle générale, ce que l'on n'apprend pas, entre autres choses, il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas dans notre système éducationnel, on n'apprend pas à poser la voix aux gens. Or, dans la vie, vous aurez besoin de poser la voix, de poser votre voix, parce que c'est un moyen de vous faire entendre des autres, et cette présence dans le métier qui se profile au travers de la filière de formation qui est la vôtre, en administration économique et sociale, il y a une dimension, si vous voulez, de ce métier qui est une dimension proprement relationnelle. Il convient que vous puissiez échanger. Vous ne serez pas enfermé en vous-même ou derrière un écritoire où vous contenteriez d'écrire des rapports. Il y aura également tout un travail de relations verbales avec les autres, et je crois qu'il est important que vous profitiez de la présence de quelqu'un qui considère comme essentiel de parler, que vous profitiez de cette occasion qui vous est offerte d'élever un peu votre voix lorsque vous parlez, afin que cet appareil mécanique l'enregistre convenablement, et ça sera, si vous voulez, le test de la manière qui est la vôtre de poser votre voix. Si un jour d'aucun d'entre vous voulait écouter ces enregistrements, je les garderai à votre disposition, puisque je les enregistre sur bande pour les conserver. Voilà. Ainsi, j'ai eu l'occasion de vous entendre, mais combien assourdi, il faudra que vous montiez un petit peu votre voix. Hein? Bon. Alors, revenons, si vous voulez bien, maintenant, après ces hors d'œuvre de mise en train, hein? Revenons un peu sur le propos qui a été le nôtre la quinzaine passée.